Il est 13h30, voici Histoire vivante. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Pour pouvoir s'appuyer sur le peuple, il faut professer l'orthodoxie. Et l'orthodoxie, c'est la base de l'État russe. Moscou est la ville qui revendique le titre de troisième Rome. Moscou a les clés du salut de l'humanité, que ce soit par le communisme. Cette semaine. Que ce soit par la forme de chrétienté qu'elle entend incarner. La Russie. Tant que vous n'êtes pas orthodoxe, vous n'êtes pas russe. Pèlerin. Le russe a toujours quelque chose d'un petit peu errant. Martyr. Et idéologue, on ne connaît rien de la Russie et de ce qu'ils ont vécu. La religion. Réfuter la religion orthodoxe reviendrait à se nier soi-même. Et la politique. Vladimir Vladimirovich Poutine. Il a été au fond l'homme qui recueillait tout le sentiment d'humiliation de son pays. Qui dit mythe dit en quelque sorte falsification. On méprise complètement ce peuple russe. Tout ce qui touche à la religion, comme tout ce qui touche au tsar lui-même, ce sont des sujets absolument tabous et qui doivent être totalement contrôlés par les autorités elles-mêmes. Aujourd'hui, les pèlerinages des gouverneurs moscovites au XVIIIe siècle. Je suis Alexandre Lavrov, je suis professeur à l'Université Paris-Sorbonne et j'ai consacré presque toute ma vie à l'étude de l'histoire russe et ukrainienne au début des temps modernes. Professeur a été un choix, une vocation dès le départ ou ce sont les circonstances de la vie qui vous y ont mené ? Je pense que, généralement, je n'ai fait pas pendant toute ma vie d'autre chose qu'enseigner. Et j'ai commencé une fois à Saint-Pétersbourg, après j'ai fait le même métier à Cologne, à Innsbruck, à Vienne. Et j'ai fini maintenant par Saint-Denis d'abord et après par Paris. Quel voyage ! Voilà, oui, c'est un peu long et c'est toujours de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire c'est toujours la même direction. Nous allons évoquer avec vous, Alexandre Lavrov, un article que vous avez la gentillesse de nous envoyer, intitulé « Les pèlerinages des gouverneurs moscovites au XVIIe siècle ». C'est une intervention que vous avez faite à l'occasion d'un colloque en 2010 autour de la construction de la Sainte Russie. On aimerait bien avoir avec vous quelques éléments pour mieux comprendre ce que c'est que cette construction-là. C'est une histoire que nous connaissons mal. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner quelques éléments pour nous qui ne sommes pas très à jour là-dessus, à la fois sur la période et puis les enjeux en quelque sorte qui sont en cours à ce moment-là ? La construction, c'est un terme très répandu, c'est un terme bien lié avec le postmoderne. On connaît bien l'image traditionnelle de la Russie. Il y a les coupoles dorées, il y a les icônes, il y a sans doute les cultes et les pèlerinages qui y sont liés. Mais la question que nous avons posée était à l'époque de décerner et de comprendre comment ce système de représentation et de pratique était formé. Pourquoi le pèlerinage devient le plus important? Pourquoi il devient pan-russe dans le sens qu'il attire les paysans et les boyards? Pourquoi un culte de l'icône lié avec les miracles devient plus important que les autres? Notre question était de comprendre comment cette hiérarchie se forme et comment dans cette hiérarchie contribuent pas seulement les écrivains ou les ecclésiastiques, mais aussi les laïcs, les petits gens. Et c'est aussi mon sujet parce que mon sujet préféré, ce sont les petits gens dans l'histoire. Les petites personnalités qui laissent leurs traces, leurs témoignages. Vous écrivez, en travaillant dans les archives des actes anciens à Moscou, j'ai trouvé plusieurs actes manuscrits portant sur des pèlerinages, précisément. Il s'agit de 9 suppliques de gouverneurs de ville qui voulaient partir en pèlerinage. En quoi ces pèlerinages et ces suppliques nous aident-ils à comprendre la construction de la Sainte Russie ? Vous y avez répondu en partie, mais précisément, pourriez-vous avancer un peu plus encore ? J'essaie de répondre très concrètement. Et je me permets de revenir peut-être vers la forme, je peux dire physique, parce que pas tous les qui nous écoutent travaillent dans les archives, de quoi il s'agit-il? Les documents qu'on a écrits en Russie avant Pierre le Grand, c'était les rouleaux. On l'appelait Stalbets. C'était un grand rouleau, vraiment, où les documents étaient collés l'un après l'autre. Pour leur utilisation, maintenant, on leur a transformé dans les cahiers, dans les volumes, tout à l'occidental. Mais quand on est en train de les lire, ce sont les mélanges de documents très différents, surtout les documents très ennuyants, sans aucune, disons comme ça, composante spirituelle. Et parmi ces documents sont ceux que j'ai nommés un petit peu en moquant de ces documents, je les ai nommés « demandes d'absence ». comme aujourd'hui quand on veut s'absentir dans son lieu de service, parce que le pèlerinage c'est l'absence, tout d'abord, c'est-à-dire du point de vue technique, on est absent quelque part, et parfois c'est long. Et les gouverneurs écrivaient les demandes, et ces demandes étaient envoyées au tsar. Et cette demande nous permet de poser la question, qu'est-ce qu'il passe ? Voilà quelqu'un qui a reçu une mutation, qui part en Provence, qui va diriger une ville avec un district attaché à cette ville. Qu'est-ce qu'il fait notamment ? Est-ce qu'il va visiter un sanctuaire qui se trouve à proximité ? Dans ce cas-là, il doit s'absentir pendant une semaine. Est-ce qu'il y a un certain événement qui porte sur la question existentielle, qui le demande de demander du tsar une absence pendant un mois pour vraiment prier de quelque chose qui est pour lui la question de la vie et de la mort ? Ou, troisième version, je suppose que c'était peut-être parfois le cas de ceux qui demandaient la permission de vénérer les thaumaturges de Moscou. Dans ces cas-là, la capitale, c'est toujours les parents, ce sont le bureau, c'est la possibilité de voir les voisins et les amis. Et dans ces cas-là, le pèlerinage peut être lié avec les objectifs non religieux. Quelque chose qui est aussi surprenant, c'est la nature des demandes d'autorisation, et on pourrait presque dire des suppliques. Je vais me permettre là encore de vous lire, Alexandre Lavrov. Vous reproduisez une de ces suppliques qui est écrite dans ces termes. Au tsar et grand prince Ivan Alexeyevitch et Peter Alexeyevitch et à la grande souveraine pieuse Tsarevna et grande princesse Sofia Alexeyevna, votre esclave, Eremko Paskov, se prosterne. Selon votre édit souverain, je suis nommé gouverneur à Épiphane et moi, votre esclave, j'ai fait le vœu de prier au monastère de Saint-Nicolas à Radonichi, dans le district de Rajan, pardon pour la prononciation. Je n'ose pas aller d'Épiphane à ce monastère sans votre ordre souverain. Miséricordieux tsar et pieuse grande princesse, donnez-moi la permission, ordonnez de me laisser dans ce monastère pour la prière dans le délai de votre choix. Grand souverain, ayez pitié, donnez votre permission. Ce n'est plus une demande, c'est franchement une supplique à genoux. Je pourrais dire que c'est des formulaires très traditionnels. Quand on achète, par exemple, les manuels qui permettent de faire la correspondance actuelle, c'est-à-dire avec la messagerie et l'ordinateur, et il s'agit vraiment d'un texte qui est absolument formel. Ce qui change, ce sont le nom, les prénoms, l'année et le site. C'est la lettre type. Absolument. Ils font toujours la même chose, et toujours c'est la tradition selon laquelle l'homme de service se présente avant les tsars comme l'esclave. C'est une forme littéraire, plus ou moins. Mais il est intéressant car le formulaire est toujours le même. On pose la question qu'il s'agit de la documentation qui était répandue. Je suppose que j'ai touché, disons comme ça, un petit morceau de cette documentation avec mes 9 demandes, qu'il était beaucoup plus nombreuses. Боже, мене не вивай, ось. Comment s'effectuait ce pèlerinage pour un noble moscovite? Est-ce qu'on a quelques indications? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Malheureusement, rien. Parce que ce sont les laïcs. Et quand les laïcs écrivent, ce sont les lettres qui sont très laconiques pour le XVIIe siècle encore. À vrai dire, cette richesse des témoignages du XVIIIe, le vrai XVIIe-iste ne peut pas l'opposer grand-chose, en réalité. Je suppose que ce n'était pas vraiment le pèlerinage comme on le voit dans la tradition du XIXe-XXe siècle, c'est plutôt le voyage. On suppose qu'il n'allait pas au pied, bien sûr. C'est-à-dire que ce n'était pas rien de voir avec l'humilité, et il faut dire que l'infrastructure moscovite ne permettait pas, c'est-à-dire de déplacer comme toujours, c'est-à-dire essayant de revenir vite à sa place, c'est-à-dire ce n'était pas autre chose que les voyages normaux, je suppose. D'autre part, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qui était l'objet et qu'est-ce qui était cette orthodoxie populaire? À partir des années 70, même à partir des années 60, les historiens aiment parler de la religion populaire. Ils ont fait une certaine construction, on pourrait dire, qui était bien déconstruite dans les années 80, qui reste en même temps utile, parce qu'il existe quelque chose que le clergé, aussi le clergé orthodoxe, propose. Et il existe une certaine demande qui vient des laïcs, et qui est, je serais très prudent en parlant d'une religiosité noble ou aristocratique, car les intérêts de ces zonages que j'étudie, ils correspondent peut-être très bien aux intérêts des Cosaques, par exemple, des autres membres de la société moscovite. Ils aiment les cultes qui sont les cultes mixtes, les cultes à qui on attribue beaucoup des anciens survivances. J'essaie toujours d'éviter les mots superstition, paganisme, parce que pour moi, ce sont les mots très lourds. Le culte de Saint-Nicolas, qui est toujours regardé comme la concentration des éléments populaires. Le culte de Saint-Paraskevi, qui est une sainte byzantine semi-oubliée, associée aussi avec les plusieurs autres personnages. Ces cultes qui sont tout à fait légaux, qui sont tout à fait acceptés, mais qui ne sont pas tellement importants au Moscou que le culte de Saint-Serge. Mon objectif ici était de repérer les gens qui ne font pas des efforts exceptionnels, qui ne consacrent pas plusieurs mois, mais qui font quelque chose comme un petit mouvement, une petite action, que j'essaie de déchiffrer. Que dit face à ça l'autorité religieuse? On sait que dans ce secteur-là, la censure est particulièrement importante, elle a tendance à contenir l'ensemble des initiatives. Est-ce que ces initiatives-là, on leur laisse libre cours? Dans tous mes documents, je n'ai trouvé aucune trace d'autorisation. La seule chose que je peux détecter, mais avec dizaines de documents, on ne peut pas vraiment compter, ce n'est pas la statistique, ce sont les hypothèses. Mais parmi mes hypothèses et parmi peut-être mes remarques, était celle qu'il aimait pas visiter les monastères, où le contrôle était beaucoup plus strict, mais c'était plutôt les choses qui étaient exposées dans les églises des paroisses, beaucoup moins contrôlées par les autorités ecclésiastiques. C'est la première initiative de Pierre le Grand. Il a dit, si ce sont les icônes miraculeuses ou les autres choses vénérées, on doit les concentrer dans le monastère parce qu'il est le contrôle dominé. Et il visite aussi des églises, des paroisses. On peut dire que le point de destination n'est pas nécessairement le monastère. Quels sont les cultes préférés des pèlerins? Est-ce qu'on a là une indication, des pistes? J'ai essayé de les comprendre. On y voit par exemple une icône très vénérée des Mères de Dieu. C'est par hasard que cette icône est conservée. On sait quelle perte a l'art religieux russe subi dans le XXe siècle. Cette icône, elle était dans le musée russe. Elle n'était pas exposée parce que la peinture du XIIe, XIIIe siècle est dans un état très fragile. Et maintenant, elle se trouve, selon la demande des oligarques russes, dans un village semi-privé, c'est-à-dire dans une église qui n'est pas ouverte à tout, c'est-à-dire louée pour un temps par une communauté des gens riches. Mais c'est la vraie icône dont on connaît le destin à partir du XVIe siècle, qui provient du Moyen-Âge et qui était centrale. Une fois, c'était particulièrement intéressant pour moi parce que j'ai toujours poursuivi la géographie et j'ai remarqué qu'une des églises qui m'intéressait se trouvait à la frontière des Champs de Bécasse. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est le Champ de Bécasse. Le Champ de Bécasse, Kulikovo Pole, c'est le champ d'une bataille la plus importante entre les Russes et les Tatars, qui n'a pas fini la domination tatare, mais qui était un certain tournant dans cette domination. C'est bien sûr, car c'est noir sur blanc dans le document, que l'objectif est religieux, mais quand même, c'est un peu le tourisme historique, comme aujourd'hui. C'est-à-dire, sans doute, même s'il voulait vraiment s'incliner avant l'icône, il a vu en même temps un des lieux de mémoire les plus importants de la Moscovie qui existait. Et c'est nouveau, c'est-à-dire cette tendance de visiter les lieux, de les regarder, il va développer dans le XVIIIe siècle. C'est Petrovien. Un objet semble interroger les historiens, c'est ce que vous indiquez, Alexandre Lavrov. Il s'agit de la sculpture. La sculpture russe médiévale, écrivez-vous, offre aux historiens des jugements des plus partagés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différents points de vue qui existent par rapport à cela et la place, selon vous, qu'a cette sculpture russe médiévale ? Ce sont des choses très énigmatiques. En réalité, si je pense d'une visiteur assidu de musée, il est habitué aux icônes. Et une fois, quand on est confronté avec ces monuments, ils sont vraiment toujours concentrés dans 2-3 musées régionaux en Russie, on est étonné, c'est-à-dire on découvre quelque chose autre. Il y a les différentes hypothèses. À mon avis, 2 sont très valables. La première est l'influence polonaise et l'influence de la sculpture catholique. On voit très bien à Smolensk, là où il y a la frontière où les catholiques et les orthodoxes vivent ensemble, on y voit aussi la tradition des icônes sculptées. Par contre, il y a aussi les marges de l'orthodoxie, où les orthodoxes confrontent surtout les peuples finno-ougriens récemment baptisés. Et là où il y a les nouveaux chrétiens, où il y a les nouveaux convertis, on permet la sculpture parce que la sculpture assure la continuité avec les cultes précédents, pré-chrétiens. C'est un certain élément syncrétiste aussi. La sculpture est toujours ambivalente, parce que la sculpture, soit elle est étrangère, polonaise-lituanienne, soit elle est semi-païenne. Elle est toujours suspecte. Et la tentative de la balayer était entreprise par Pierre le Grand, c'est-à-dire il ne l'a pas vraiment brûlée, mais il a concentré les sculptures dans les dépôts spéciaux. Élargissons, si vous le voulez bien, le cadre, Alexandre Lavrov. Vous êtes concentré sur ces demandes des gouverneurs de ville. Ils appartiennent à une certaine catégorie sociale en Russie, mais on a l'impression, c'est tout au moins comme ça que je me le représente, qu'il y aurait comme des couches de pèlerins selon qu'on appartienne à telle ou telle catégorie sociale. on va faire son pèlerinage. J'ai beaucoup aimé ce petit cercle des sources, parce que ce cercle des sources se réfère à une groupe. Parce qu'il y a un groupe chez lequel on suppose pas seulement le même statut social, mais aussi les mêmes compétences culturelles. Je suppose qu'ils sont serviteurs du tsar qui appartient à la cour. Ils sont normalement à Moscou, et quand ils sont envoyés quelque part en Provence, ils sont envoyés pour 3 années, maximum 2 fois, c'est-à-dire pour 6 ans. Et ils ne doivent pas être enracinés sur place, ils doivent représenter Moscou et pas être promoteurs des intérêts locaux. Il apporte là-bas les traditions de la bureaucratie moscovite, c'est-à-dire d'ici cette immense homogénéisation de la langue administrative de Smolensk jusqu'à Kamtchatka. Ils sont toujours des mêmes formations, ils sont toujours envoyés quelque part. Il y a les diplomates qui sont envoyés dans une bourgade éloignée, et par conséquent, on peut supposer chez eux à peu près les mêmes compétences culturelles. Voilà pourquoi ils m'ont intéressé tellement. Sur les artisans, sur les marchands, sur les autres, malheureusement, la documentation, on est très peu. Au commencement de mon article, j'ai cité l'histoire très bien élaborée par un historien allemand quand une fois un patriarche a dit à Moscou qu'il ne faut pas avoir des icônes privées dans les églises parce que les églises deviennent trop pleines et qu'il faut soit les confisquer, soit les éloigner. Et par conséquent, on a très vite une histoire et accompagnée avec les actes. On voit y agir des mousquetaires, beaucoup de femmes dans cette histoire. Et là, la religiosité des gens qui n'appartiennent pas aux élites se découvre très souvent grâce au conflit, à un cas juridique, à un procès. Pour les laisser parler, il faut un conflit juridique. Une autre dimension peut-être sur laquelle vous pourriez nous éclairer, Alexandre Lavrov, c'est la manière dont au XIXe siècle, il va y avoir une instrumentalisation politique, ethnique, culturelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je pourrais dire qu'il faut très souvent revenir des images que nous voyons, par exemple dans la télévision, vers les données de la sociologie et de voir que les pratiquants font dans la Russie actuelle une grande minorité. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient comme orthodoxes, et leur identification comme orthodoxe est légère pour eux. Si on compare par exemple avec l'Allemagne, on n'est pas des Kirchensteuer. On ne paye pas le denier obligatoire rassemblé par l'État, tandis que l'Église voudrait bien avoir l'impôt. Et dans cette situation, il y a les deux statistiques. L'une, c'est la statistique de ceux qui sont pratiquants selon la sociologie religieuse, c'est-à-dire qui vient le dimanche à l'église. C'est ici une très importante différence entre la Russie et l'Ukraine. En Ukraine, le pourcentage des pratiquants est, selon toutes les données, beaucoup plus grand. En Russie, il y a les points forts, mais il y a les faiblesses de l'église, le nombre des électeurs qui peuvent suivre son message. Et de ce point de vue, certains gens d'église ont l'intérêt ou la volonté de coopérer avec l'État parce qu'ils ne sentent pas un grand appui dans cette société. Mais alors du coup, une question qui semble aller de soi, pardon encore pour son actualité, à vous qui êtes historien et travaillez quand même sur des données plus longues, mais le pouvoir politique actuel, quel rapport entretient-il avec cette religion-là? Cherche-t-il toujours les meilleurs arrangements possibles? Je pense que la situation de l'État actuellement en Russie, c'est la situation de force. C'est une situation d'un pouvoir incomparable. C'est un pouvoir très fort, même en comparaison avec certains systèmes politiques de l'Europe centrale qu'on connaît aussi. Si cet État a besoin vraiment de soutien ou de bénédiction, pour moi, comme historien de religion, c'est toujours l'objet de la réflexion. Je pense qu'un grand rôle sont les convictions religieuses des gouvernants. Je suppose que c'est une chose importante, très souvent sous-estimée, Et très souvent, nous supposons que la vraie idéologie des gouvernants est partout le cynisme, ce qui n'est pas vrai. Ils sont très souvent fidèles, parfois très pieux. Ça pose les problèmes pour l'Église elle-même, parce que l'Église a ses compétences, l'Église a ses prétentions, et quand l'Église, avec ses prétentions et avec ses ambitions, rencontre les gouvernants qui prétendent avoir leurs propres compétences et leurs propres opinions sur les questions proprement dites ecclésiastiques, ça doit finir pas par la symphonie, mais par le conflit. Je pose toujours la question pour les orthodoxes, généralement, pas pour les Russes, mais généralement, qui est une gouvernant, qui est une empereur modèle? Et c'est Constantin qui a tout fait pour l'Église et qui est très tard devenu chrétien. Et je pense que c'est la question pourquoi les ecclésiastiques, par exemple, parlent de Gorbatchev, qui n'avait pas d'identité religieuse avec une telle sympathie. Parce que c'est la figure de quelqu'un qui crée les conditions, qui crée toutes les possibilités, mais qui, après, fait un pas en arrière, sans courir avant l'Église et sans monter comment on se bénit. C'est-à-dire si l'Église et le gouvernant très pieux sont bien compatibles. Toute dernière question, pour le nommer, Vladimir Poutine, quel rapport, lui, entretient-il à titre personnel avec ces questions-là, pour ce que vous en savez? Je pense qu'il est croyant, je pense qu'il est pratiquant, et je pense qu'il est très influencé par cette identité, et je pense que ça joue un très grand rôle dans la définition de ses choix, y compris de ses choix politiques. Et je pense qu'il croit qu'il réalise une certaine mission. Vladimir Poutine a misé sur l'Église pour être l'autorité morale qui conduirait la Russie sur le chemin d'une sorte d'adhésion commune à des valeurs qui seraient celles de l'État et de la société. Alexandre Lavrov, je rappelle que vous êtes professeur de civilisation russe et soviétique. Je ne rappelle pas le nombre de villes dans lesquelles vous avez exercé ce métier de professeur. Le titre de votre ouvrage, Les pèlerinages des gouverneurs moscovites au XVIIe siècle. Donc quand je dis ouvrage, je ferai mieux de préciser article. Il était inclus dans ce colloque sur la construction de la Sainte-Russie qui a eu lieu en 2010 au Louvre. Merci infiniment d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Demain, rencontre avec le réalisateur du documentaire d'Histoire vivante, Poutine, le Nouvel Empire. Nous serons en compagnie de Jean-Michel Carré.